Bonne année. Nouvelle année, année nouvelle. Dis-nous, qu'as-tu sous ton bonnet? J'ai 4 demoiselles, toutes grandes et belles. La plus jeune en dentelle, la seconde en épi, la cadette est en fruit, et la dernière en neige. Voyez le beau cortège, nous chantons, nous dansons, la ronde des saisons. Louisa Paulin.